archéologues sont-ils des explorateurs du passé? Certainement. Aux quatre coins du monde, ils ont aussi marché dans les pas des grandes expéditions, celles sur le continent noir ou en Asie. En Afrique, durant tout le XXe siècle, des préhistoriens ont ainsi mis au jour d'étonnants corpus d'art rupestre, peintures ou gravures figurées sur les parois rocheuses, notamment du Sahara et d'Afrique australe. Leurs dessins croquis relevés sont alors devenus des éléments indispensables pour faire connaître au public ces arts doublement lointains. Et aujourd'hui, le Musée de l'Homme leur consacre une grande et très esthétique exposition, Préhistomania. C'est au cœur de cette exposition que j'ai retrouvé deux chercheurs, Jean-Loïc Lecalec, incontournable préhistorien de l'art saharien et mythologue, désormais directeur de recherche émérite au CNRS, mais aussi Jean-Louis Georget, professeur à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, spécialiste d'un étonnant archéologue allemand. L'abbé Breuil, Henri Lotte, Gérard Bayou, Léo Frobinus ont été les grands noms de ces expéditions. Pour autant, j'ai demandé à Jean-Luc Lecalec quel était le statut de leurs dessins entrepris sur le terrain. Celle d'œuvre d'art? Jean-Luc Lecalec. Je dirais qu'elles le conservent, le statut d'œuvre d'art, parce que dès l'origine, elles ont été perçues comme, d'une part, une documentation de type archéologique. On documente un art du passé, mais en même temps, on le documente avec le moyen de la peinture, du relevé manuel, et c'est présenté aussi comme des œuvres d'art. C'est des originaux. On présente des copies qui sont aussi des originaux. Et donc, dès le départ, c'est à la fois scientifique et aussi du côté de l'art. Alors, ce que l'on voit, c'est des très grands panneaux, c'est gigantesque. Oui, il y a des panneaux qu'on voit rarement, hein, qui sont pour le Sahara, il y a le panneau du Grand Dieu qu'on n'a pas vu depuis certainement quelque chose comme 1957. Et puis les grands panneaux d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du côté Frobenius, c'est des panneaux qui sont sidérants, c'est gigantesque. Face aux dégradations du temps, certains relevés seraient aujourd'hui les seuls éléments subsistants. Ça peut arriver parce qu'il y a eu quelques dégradations quand même depuis l'époque où ces relevés ont été effectués. Et dans quelques cas, on est heureux d'avoir les copies parce que l'original soit est devenu pratiquement illisible, à moins d'utiliser des techniques très sophistiquées, soit a été dégradé, soit même a complètement disparu. Ça arrive, effectivement. Alors on va bien sûr citer des grands noms, Henri Lotte, Frobenius, Bayou, Gérard Bayou aussi présent dans cette exposition, qui ont donc fait des grandes expéditions. Citons un autre nom. Pour l'abbé Breuil, il serait nécessaire de relever l'art préhistorique si nous voulons le comprendre. Alors l'abbé Breuil a été l'initiateur de ce que j'appellerais une espèce de mystique du relevé, parce que lorsqu'on exécute un relevé sur place, on est à l'endroit même où se tenait l'artiste originel, et on reproduit les gestes qu'il a effectués. Et pour l'abbé Breuil, c'était une manière d'incorporer l'œuvre originelle, et donc une manière de s'en approcher au plus près. Il y a quelque chose comme une mystique du relevé pour l'abbé Breuil, et pour Henri Lotte aussi, qui était son élève, et qui a aussi perpétué ce type d'approche. Alors comment pratiquait-on ces relevés? Alors à l'époque, c'était des relevés par calque direct, quelque chose que maintenant on ne fait plus et qui est même strictement prohibé. Dans certains cas, les auteurs des relevés auparavant, quand il s'agissait de peinture, mouillaient les peintures pour les rendre plus visibles. Et ce faisant, ils ont produit certes des relevés extraordinaires, ils ont certes documenté et fait connaître un continent artistique qui avait échappé à l'histoire de l'art, mais en même temps, ils ont aussi contribué à sa disparition. Et donc, de nos jours, on ne perd de la sorte, et tout ce qui est de l'ordre du mouillage et du relevé direct, tout ce qui fait qu'on va toucher les œuvres originelles, eh bien, c'est strictement prohibé. Alors Henri Lotte, lui, mouillait ses peintures. Oui, non seulement il mouillait les peintures, mais il a même été jusqu'à les repasser au crayon, lui et son équipe. Et de nos jours, quand on voit sur les sites et qu'on retrouve les peintures qu'il a relevées, dans de nombreux cas, on voit qu'elles ont été repassées au fusain et on voit toujours le tracé du fusain d'Henri Lotte ou de son équipe. Et j'avoue que c'est quand même un petit pincement au cœur à chaque fois qu'on voit ça. Frobenius, que faisait-il, lui, sur le terrain? Il passait de la craie, non, c'est ça? Alors, il passait de la craie, mais surtout, il essayait de saisir des civilisations globales. Il essayait de saisir l'Afrique, passionné d'Afrique. Il voulait en conserver les archives. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on pratique? On continue à faire des relevés? Une bonne photo ne suffirait pas? Alors, on continue parce que le relevé, d'abord, c'est très long à effectuer et tout dépend du but qu'on poursuit. Le relevé peut être une aide à la lecture d'une photographie, par exemple, parce qu'une photographie saisit des tas d'éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors, on a des logiciels qui permettent de rendre visibles, à partir de photographies, des choses qu'a priori, on ne voit même pas sur la photographie originelle. Et maintenant, il y a un système qui s'appelle la photographie hyperspectrale qui permet de voir des choses qui nous échappent complètement, qui sont absolument invisibles sur les parois à l'œil nu. Et si on les photographie, on a l'impression qu'on photographie une paroi vierge. Vous utilisez ce principe, Jean-Luc Lecalec? Oui, alors les principes par logiciel tels que Distretchon l'utilise systématiquement. Et déjà, l'utilisation de ce logiciel a, disons, semé à la fois l'enthousiasme et un certain froid, parce qu'on s'est dit, mais bon sang, tous les relevés sont à refaire, tous les inventaires qu'on croyait avoir terminés, il faut les refaire, parce qu'il y a plein de choses qui existent sur les parois et qu'on n'a pas vues. Donc on a utilisé ce logiciel qui a permis de mettre au jour des tas de choses inédites à des endroits où on pensait avoir fait le tour. Je pense à la paroi du Grand Dieu, par exemple, hyper connue, hyper médiatisée, qu'on a ici dans l'exposition et qui est magnifique, ce relevé effectué par l'équipe de Lotte. Eh bien, on sait maintenant qu'en réalité, sur cette paroi, il y a 3 fois plus d'images qu'il y en a sur le relevé de Lotte. Et on se dit, mais bon sang, il faut faire ça pour tous les relevés, il faut faire ça pour tout ce qu'on croyait faire, avoir terminé du moins. Et quand vous travailliez en Libye, dans le Messac par exemple, et que ce genre de logiciel n'existait pas, comment vous faisiez? D'excellentes photos? Eh bien, on essayait de faire les photos les meilleures possibles, avec le meilleur matériel possible, selon nos moyens financiers. L'art paléolithique paraît bien plus complexe que celui des périodes postérieures. La présence de scènes dans l'art néolithique, notamment saharien, illustre alors des histoires ou des moments de vie quotidienne, parfois compréhensibles du premier coup d'œil. Oui, en tout cas, on peut avoir l'impression qu'on comprend. Disons qu'il y a 2 types d'images. Il y a des images auxquelles on ne comprend rien. On peut rattacher ça à rien que nous connaissions. Et donc, on est vraiment devant des œuvres qui sont parfaitement hermétiques. C'est le cas, par exemple, de beaucoup d'images en style des têtes rondes. Et puis, il y a d'autres images où nous pensons reconnaître, ah là, un campement, des femmes en train de monter un campement, comme dans ce relevé que nous avons derrière nous, qui provient d'IRN et qui est l'œuvre de Pierre Colombel, où on a des bovins en train de boire, des femmes en train de monter un campement et qui utilisent qui manipulent les armatures courbes de la tente. On a d'autres personnages qui sont en train de plier le vélum de la tente et de l'installer sur les cornes des bovins pour préparer la transhumance. Donc tout ça, nous le reconnaissons. Ce que nous sommes incapables de faire, c'est pourquoi tout ça a été dessiné. Quel est le sens ultime derrière ça? Cette œuvre, elle est très belle, avec les bovins, visiblement, on peut se dire qu'ils boivent. Ça rappelle même si c'est très loin, les rhinocéros de Chauvet. On a l'impression qu'ils boivent, mais si on va sur le site, alors là, c'est un relevé qui est magnifiquement fait, qui est excellent et très fidèle, mais c'est un relevé à plat sur une feuille de canson. Si on va sur le site, on s'aperçoit que les bovins, ils ont toutes les têtes dessinées parallèlement, ils sont tous penchés vers l'avant, vers quelque chose qui est une sorte de rivière virtuelle qu'on ne voit pas sur le relevé. Mais sur la paroi, à cet endroit-là, il y a une fissure qui n'a pas été relevée, et on sait que au moment où le Sahara était plus vert qu'aujourd'hui, cette fissure régulièrement suintait. Et donc, l'artiste a utilisé un détail de la paroi pour manifester, en fait, le fait que les bovins qu'il a dessinés sont réellement en train de boire une eau véritable. En dessous, c'est très étonnant aussi, des têtes de bovins avec des personnages. Alors là, ça fait partie justement des œuvres énigmatiques. Celle-ci nous laisse muets. On reconnaît des détails, on voit qu'il y a des bovins, on voit qu'il y a des personnages, mais l'ensemble est complètement hermétique à toute interprétation pour l'instant. Alors partons donc en expédition, et notamment avec un personnage très étonnant, Léo Frobenius, ethnologue, autodidacte, qui entreprend une douzaine d'expéditions. Jean-Louis Georget? Effectivement, une douzaine d'expéditions dans l'Afrique intérieure. Il va commencer avec le Congo en 1905 et s'arrêtera dans les années 30. Il va essayer d'explorer toute cette Afrique qui lui tient à cœur. Les relevés viendront finalement compléter d'autres archives, des archives plus matérielles, des archives aussi sonores, des histoires, des contes. Frobenius est un collecteur et il veut absolument tout saisir de ce continent inconnu. C'est un personnage assez excentrique. Il est habillé de manière incroyable. Un chapeau d'aviateur, guêtre, short. Alors, c'est le petit-fils du directeur du zoo de Berlin, Bodinus. Et il dit que les premières odeurs de l'Afrique lui sont venues de ces zoos humains. Et bien sûr, c'est le fils aussi d'un architecte militaire qui a fait des expéditions en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est un peu son rêve d'enfant. Nous lui devons une fameuse théorie, la théorie de l'Atlantide africaine. Alors, il part avec l'idée de la théorie de l'Atlantide africaine. Tout le monde a lu le roman de Pierre Benoît. Donc, il part avec cette idée qu'en Afrique, il va retrouver des civilisations alexandrines, par exemple. Et quand il arrive à Ifé, au Nigeria, il y a de magnifiques têtes, de magnifiques masques. Et là, il dit, mais voilà, Alexandre le Grand est passé par là. Bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, Alexandre le Grand n'est jamais passé par là. Mais d'une certaine manière, toute sa vie, il essaiera d'associer à la fois la culture européenne et la culture africaine. Il donnera surtout à travers ça une valeur à l'Afrique et à l'art africain que ne lui donnent pas les Européens. Jean-Luc Le Callec, l'Atlantide africaine, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, Henri Lott a intitulé l'un de ses chapitres de son récit d'aventure en revenant de la Tassili Nager. Avons-nous découvert l'Atlantide ? Effectivement, c'était une époque où tout le monde rêvait d'Atlantide et pas forcément que des farfelus. Il y avait à ce moment-là, à Lyon, un professeur de géologie qui donnait un cours de géologie expliquant qu'il est possible que l'Atlantide n'ait pas été engloutie par les mers, mais se trouve quelque part engloutie par les sables au Sahara. C'était un sujet de recherche sérieux, l'Atlantide. Jean-Louis Georget, parlons un peu de science. Il développe donc aussi une approche, la théorie des cercles culturels, théorie donc que reprend Frobenius et qui influencera beaucoup l'ethnographie allemande. Alors, ça sera même le cœur de l'ethnologie allemande qui sera récusé en 1946. Alors, c'est l'idée que, en fait, il y a plusieurs foyers culturels et que les civilisations, les sociétés se construisent à partir de la rencontre de ces différents cercles culturels et qu'on émerge de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Et le but de Frobenius, à travers les objets, à travers les peintures, à travers les relevés, c'est de faire aussi des comparaisons et d'arriver à trouver les foyers originaux. Vous savez, une des grandes obsessions de l'Allemagne, c'est le mythe de l'origine. Dans l'ethnologie allemande et partout dans la société allemande et surtout à cette époque. Frobenius remet en cause l'idéologie du colonialisme et prône même l'historicité des cultures africaines. Oui. Alors, il s'appuie sur les structures coloniales. On peut pas dire que Frobenius est un anticolonialiste. Il est comme tous les ethnologues de l'époque. Il s'appuie sur les structures coloniales. Sauf que l'Allemagne, elle perd ses colonies en 1918 et qu'il est bien obligé d'emprunter les structures coloniales des autres. Et effectivement, il va donner à l'Afrique une profondeur. Il va donner l'Afrique à la profondeur. Et d'ailleurs, cette profondeur à l'Afrique, cette historicité africaine, va être reconnue par le mouvement de la négritude, par Senghor, par Césaire. Senghor ira jusqu'à dire que finalement il a découvert son africanité à travers les textes de Frobenius. Et petite anecdote, à Dakar, la maison de Senghor se trouve dans la rue Frobenius. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez étonnant, excentrique, mais assez étonnant. Il récuse par exemple l'idée des races et d'ailleurs quasi en plein nazisme. Ah oui, alors les nazis vont lui demander effectivement d'approuver la théorie des races et Frobenius dira que non, il n'y a pas de race. Donc on ne peut pas approuver une théorie qui n'existe pas. Il met en péril à travers ça aussi son institut et la pérennité de son institut, mais jamais, jamais il ne reconnaîtra finalement cette théorie des races. On a fait des études là-dessus. On a fait des recherches et il est prouvé, on a cherché dans toutes les archives Frobenius, à aucun moment il y a une accointance de Frobenius avec les théories national-socialistes. Il les récuse en permanence. En tout cas, il crée un institut qui est quelque chose d'absolument extraordinaire puisqu'il collecte à tout va et l'Allemagne du coup a de très belles collections africaines. Oui, les archives de l'Afrique. Bon, l'Allemagne se met à récupérer finalement les collections africaines à partir de 1884, la conférence de Berlin. L'Allemagne rattrape, elle rattrape, elle collecte. Frobenius ira jusqu'à dire que les musées allemands enflent comme le ventre des hippopotames, tellement on met d'objets dans ces musées. Et l'idée, c'est une idée holiste de la collecte, dont les relevés qu'on a ici font partie. Et Frobenius, effectivement, va, dans son institut, essayer de faire les archives de l'Afrique. D'ailleurs, cet institut s'appelle Africa Archive en allemand et existe aujourd'hui comme l'un des centres du matériau qu'on peut trouver sur l'Afrique. D'ailleurs, ces relevés ont failli disparaître parce que l'Institut Frobenius a été un petit peu oublié et que dans les années 60-70, on s'est dit que c'était du vieux matériau et qu'on pourrait peut-être le détruire, que finalement ça servait plus à rien. Et on l'a redécouvert dans les années 90-2000 et on a recommencé à faire des expositions avec depuis 2016 à peu près. Il faut dire que Frobenius lui-même a conçu ses relevés comme des œuvres d'art parce qu'il a tout de suite pensé aux expositions. Tout de suite. Il fait la collecte de ses relevés et il les expose. Alors à Paris, c'est 1930, 1933, la salle Pleyel, le Trocadéro. Mais le point d'orgue, c'est 1937, c'est le MoMA avec Alfred Barr. Et là, les œuvres, les relevés sont posés à côté des œuvres d'art extrêmement contemporaines, sans explication. Et la réaction du public, absolument fascinée, et la réaction de la presse, c'est de dire que les premiers surréalistes étaient les hommes des cavernes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. L'exposition ouvre sur un grand panneau du Zimbabwe où les archéologues ont cru voir ou ont voulu voir des rochers, des cascades, des peaux tendues, des peaux de vaches notamment. Connaissez ce document, Jean-Loïc Lecalec ? Oui, je vois très bien ce que c'est. Effectivement, il y a eu des tas d'interprétations. Ça peut être exposé comme une espèce d'œuvre abstraite, hein, justement. On comprend que la sidération qu'ont provoqué ces œuvres quand elles étaient exposées dans des cadres usuellement destinés à exposer des œuvres contemporaines et pas des œuvres préhistoriques. Et là, on est face à quelque chose qui paraît une œuvre abstraite. On ne sait pas quoi en dire. Alors maintenant, on sait que la dernière interprétation, qui semble quand même très solide, c'est de dire que c'est en rapport avec la mythologie des San, des ancêtres, des San, qu'on appelle aussi Bushman, en Afrique australe, et qui ont toute une mythologie qui tourne autour des termitières et des termites, et ce seraient des symbolisations de termitières. Alors, peut-être qu'on trouvera une autre interprétation encore meilleure d'ici quelques temps, parce qu'il y en a déjà eu tant des interprétations. Mais ce qui demeure, c'est qu'on a là une œuvre qui est sidérante. Jean-Louis Georget, les mythes Frobenius s'y penche, il les collecte, hein, lui aussi. Oui, alors il interroge bien sûr les populations africaines avec lesquelles il vit, parce qu'il ne faut pas s'imaginer ces expéditions comme des expéditions aseptisées. On ne travaille pas comme les scientifiques aujourd'hui. Les releveuses, les releveurs sont en contact permanent avec les populations et ces populations, elles parlent, elles racontent. Et Frobenius, avide de savoir, collecte tous ses contes, collecte toutes ses histoires, en espérant d'ailleurs les mettre en rapport avec les relevés et en espérant en tirer des explications pour les relevés, ce qu'il n'arrivera naturellement jamais à faire. Jean-Luc Lecalec, puisque vous êtes tout à la fois mythologue et préhistorien et spécialiste de l'art rupestre, c'est vous qui faites la jonction, donc, l'importance entre l'art rupestre et le mythe ? En réalité, il n'y a pas d'image sans parole. Les paroles de l'artiste, les paroles peut-être du commanditaire de l'œuvre, les paroles des personnes qui, avant nous, ont contemplé cette œuvre, il n'y a pas d'art sans parole, en réalité. Donc, le Graal, ce serait de retrouver les paroles qui accompagnaient les œuvres. C'est ce qu'a essayé de faire Frobenius. Il l'a fait pour quelques images du Zimbabwe, d'ailleurs, qui sont exposées ici, où il a mis l'image en rapport avec un mythe. Quand on regarde, ça semble qu'il y a notamment une espèce d'œuvre extraordinaire ou une espèce de très serpentiforme qui se dresse comme un arbre avec des petits personnages en haut, un grand personnage couché en haut, un autre en bas. On ne sait pas trop ce que c'est. Et lui, il a trouvé un conte de la même région qui va bien avec l'image. Bon, et donc c'est fascinant. On se dit, ah bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'ils ont voulu représenter. Rien n'est moins certain. Hein. Mais n'empêche que c'est toujours pour moi quelque chose, enfin un défi qui n'est pas forcément définitivement perdu. De retrouver les paroles qui ont suscité les œuvres. Le relevé de l'art rupestre n'est visiblement pas affaire que d'hommes, mais aussi de femmes. C'est le cas, par exemple, dans la mission Frobenius. Oui, bien sûr, à partir de 1928, c'est les femmes qui accompagnent Frobenius. Elles commencent à fréquenter beaucoup les études, les écoles des beaux-arts à partir de 1906. Donc c'est la première génération de femmes qui refusent le destin d'une certaine manière qui lui est assigné. Hein, elles font partie de la grande bourgeoisie de Francfort. Et il y a ce petit bonhomme extrêmement charismatique qui passe, qui leur dit « Mais venez avec moi en Afrique ». Il les force pas, c'est pas du tout un séducteur. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son rêve, mais il est tellement charismatique qu'on le suit. Frobenius, c'est quelqu'un qui, au retour d'expédition, fait mettre du sable sur les voitures et rentre en klaxonnant dans Francfort, ou fait mettre une girafe sur une péniche sur le Main, et se fait saluer par Guillaume II qui a abdiqué. Enfin, Frobenius, c'est un personnage totalement médiatique. Et comment ne pas suivre ce personnage dans le désert, ou dans les déserts? D'ailleurs, il n'est qu'un tremplin. Elles vont faire après des carrières propres. Elles vont devenir artistes, elles vont devenir archéologues. Jean-Louis Lequellec, l'abbé Breuil aura lui aussi une personne qui l'accompagnera. Toute sa vie, Miss Boyle, puisqu'il s'agit d'elle, l'a accompagné partout où il a été et lui a servi d'interprète, lui a servi de tout l'aspect logistique. Et aussi à contribuer à ses publications, notamment en fournissant la bibliographie, en traduisant des textes anglais, parce que l'abbé Breuil était quand même pas très bon en anglais. Et elle a joué un rôle considérable dans l'œuvre de l'abbé Breuil, notamment en Afrique australe. Et pas de femme dans la mission Lot? Alors au départ, une femme qui est Irène Montandon, qui avait fait des études aux langues orientales, qui était diplômée en arabe, qui était diplômée en langue berbère, et qui a priori était tout à fait indiquée pour être traductrice et étudier par exemple les inscriptions libico-berbères. Dans le premier livre, on la voit apparaître, il y a même une photo dans le trombinoscope de tous les participants, il y a une femme qui est elle, et ensuite on n'en entend plus parler, et quand même elle a un petit peu, elle, fini à la cuisine. Que dessine-t-on? La réalité, car le chercheur est objectif, ou plus simplement sa réalité? Alors il y a quand même quelque chose comme un biais de confirmation assez régulier dans les relevés. La tendance humaine, c'est d'accentuer la ressemblance avec les choses qu'on a cru reconnaître. Voilà. Alors c'est à la fois quelque chose qui tient de la réalité visible sur la paroi, mais assez souvent on a la preuve, surtout maintenant qu'on a des systèmes qui permettent d'objectiver davantage les œuvres, de voir quelle est la part humaine, la part de subjectivité des releveurs et des releveuses, qui est toujours importante et dont on ne peut pas se débarrasser en réalité. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la collection Frobenius, quand on la connaît, on finit par reconnaître le style des releveuses. Elisabeth Paoli, Meyersberg. En tout cas, pour l'abbé Breuil, le relevé serait une vision idéalisée. Oui, alors ça se comprend dans le cadre de l'époque. C'était aussi, quand il a commencé à intervenir, notamment avec les relevés des bisons d'Altamira, l'idée c'était de faire reconnaître cet art comme réellement de l'art. Et il a produit des relevés qui, certes, sont tout à fait corrects quand on les compare avec les originaux, mais qui sont idéalisés. Et à ce sujet, c'est très frappant de comparer les relevés des bisons d'Altamira réalisés par Breuil et les relevés réalisés par Katharina Marr, parce qu'elle a tenu compte des fissures, des reliefs, etc. Ils sont d'une certaine façon beaucoup plus fidèles. Ce n'est pas du tout une idéalisation de l'œuvre originelle. C'est la même œuvre qui a été relevée. Et là, on a un très fort effet de style et de personne et d'interprétation subjective qui est vraiment extrêmement frappante. Alors, grand communicant pour Lot, et je le cite, le massif du Tassili est le premier centre d'art préhistorique au monde par le nombre et l'intérêt des vestiges que l'on y a découverts. Oui, mais c'est un coup classique, ça. Disons que j'ai lu ça à propos de l'art d'Afrique australe, j'ai lu ça à propos d'autres auteurs qui parlent de l'Amérique du Nord, ou qui parlent de la Californie, ou qui parlent de l'Australie. Le plus grand centre d'art préhistorique du monde, il a été signalé 1000 fois, en fonction un petit peu de la vanité des chercheurs et du besoin de communiquer, évidemment, auprès du grand public, l'intérêt de leurs propres recherches, peut-être pour avoir des financements. Alors, ils font des gouaches, bien sûr, elles seront exposées, et dès 1957-58 au musée des arts décoratifs, c'est ça? Il y a eu un énorme engouement pour ces images. Il y a eu un numéro spécial de Paris Match, quand même, au moment où c'est paru. Tous les grands écrivains de l'époque, les grands poètes, les politiques sont venus visiter ces expositions. Et à chaque fois, il y avait des échos dans la presse. Ça fait un énorme bruit. C'est très étonnant, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, tout ça est un peu oublié, parce que ça fait un tel bruit à l'époque où il y a eu ce surgissement d'images qui avaient été complètement oubliées des histoires de l'art, et qui étaient comme une espèce d'un seul coup d'ovni énorme qui apparaissait dans le ciel de l'histoire de l'art. C'est très étonnant que ça ait été un peu oublié. L'équipe fait bien sûr de très nombreuses découvertes. Parmi elles, ce que l'on appelle le grand dieu des Orantes. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un personnage qui a été surnommé comme ça parce qu'il est très grand. Il est entouré notamment de personnages féminins qui ont les mains en l'air dans ce qu'on appelle la position de l'Orant, la position de l'adoration. Ça tient quand même beaucoup de l'interprétation. C'est une œuvre qui reste, comme beaucoup d'autres, parfaitement hermétique et parfaitement énigmatique. Le relevé est ici. C'est un relevé très impressionnant parce qu'il fait partie des très grands relevés et qui sont pour cette raison très rarement montrés. Donc c'est important de les voir en vrai pour une fois. Ceci dit, avec les techniques modernes, on sait maintenant que sur cette paroi, il y a environ 3 fois plus d'images en réalité que Henri Lhot et ses équipes en avaient vu. C'est le lien donc art rupestre et martien ? Oui, parce qu'il a été aussi surnommé martien. Ça fait partie de ces images qui appartiennent au style dit des têtes rondes, parce qu'on a des espèces de personnages qui ont une tête arrondie avec des espèces de des choses qu'on pourrait interpréter comme des genres de hublots. Et ça ressemble tout à fait à des cosmonautes, mais des cosmonautes, disons, de bande dessinée ou d'opérette. Hein. Bon, voilà, et ça évoque ça. Et ils ont été surnommés les martiens, mais par plaisanterie, on imagine bien sur le terrain, les équipes d'Henri Lhot qui en ont un peu marre, les jeunes étudiants des Beaux-Arts qui aiment bien rigoler et qui disent « Ah, tu te rappelles l'espèce de martien qu'on a vu l'autre jour ?» Et on voit tout de suite à quoi on fait référence quand on dit comme ça. Sauf que Henri Lhot a publié un livre dans lequel il parle justement du grand dieu martien, et il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, et cette histoire de martien au Sahara a pris une ampleur complètement inattendue, et encore maintenant, il y a des gens qui soutiennent qu'il y aurait eu naguère des martiens qui auraient atterri là, et les populations locales sidérées les auraient représentés sur les parois. Alors quand on parle d'Henri Lhot, il faut aussi parler forcément de ces femmes oiseaux. Oui, les petites déesses égyptiennes qui figurent dans la première édition de son livre, qui pour lui était extrêmement importante parce que ça confirmait sa théorie selon laquelle les images tassiliennes résultaient d'une influence égyptienne. Forcément, en Afrique, tout le monde regardait du côté de l'Égypte, la grande civilisation institutrice des autres, hein, civilisatrice générale du continent. Bon, et donc il a pensé ça lui aussi. Et un jour, son équipe de releveurs lui présente une petite image qui représente des déesses égyptiennes. Alors là, évidemment, il tarissait plus de commentaires. Il en parle dans son livre. Il est très heureux parce que enfin, il tient la confirmation de sa théorie. Et on a appris que ces petites images avaient été en réalité réalisées par Claude Guichard, un des membres de son équipe, qui en avait un petit peu marre d'entendre parler de l'Égypte tous les soirs au bivouac, et qui avait dit, en gros, si t'en veux des images de déesses égyptiennes, moi je vais t'en faire, et qui a réalisé ces images. On a le témoignage, tout ça a été abondamment prouvé, et en fait, il se trouve que Henri Lhot n'a jamais voulu en démordre et n'a jamais voulu reconnaître que ces images étaient des fausses. À voir donc au Musée de l'Homme, l'exposition Prehistomania. Carbone 14 était réalisé par Guillaume Puel, à la technique Noé Chaban, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.